Pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz le lundi à partir de 21h30 pour le direct ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h sur le 94 MHz Canal B ou encore sur son blog asile35.blogspot.fr, émission entièrement podcastable avec les playlists et aussi écoutable en streaming sur lemixcloud.com/redman. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pascal de la Société des Timides à la parade des oiseaux. Salut Pascal. Bonsoir Philippe. À l'occasion de la grande fête que vous avez donnée au Jardin Moderne, ce sera le 8 novembre pour fêter les 30 ans de votre formation, la STPO, organisée par Clément et son label organisation de concert KDB Records. J'imagine que l'idée est venue assez vite d'inviter vos camarades de déficit des années antérieures. Oui, parce qu'on partage beaucoup de choses avec eux et on les connaît depuis nos tout débuts. Donc on a commencé, puisque tu as dit 30 ans, on a commencé en mars 84. En décembre, on a enregistré 2-3 titres et on les a proposés à Déficit qui nous les a mis sur les compiles sensationnelles. Et depuis ce moment-là, ils nous ont sorti un 45 tours et on a fait plein de scènes ensemble. Donc, c'est des amis proches. C'est vous qui les avez contactés quoi, au départ, donc, par rapport à l'effervescence de ce qu'ils pouvaient produire. Oui, ouais. On avait écouté les sensationnels, ou plutôt on les avait vus en concert à Rennes, des concerts vraiment improbables. On a beaucoup aimé et là, on a senti que c'était vraiment avec eux qu'on avait envie de travailler. Ils avaient commencé à venir jouer par ici début des années 80, les déficits des années antérieures. Oui, ça devait être dans des trans off, je crois, ou des trans in, je ne sais plus, mais c'était à cette époque-là et ils faisaient vraiment des concerts totalement détonnants. À l'instar de ce que vous avez pu produire aussi pendant 30 ans avec la STPO, groupe formé au printemps 84, comme tu me disais, donc dont tu as fait partie depuis l'origine. Il y a encore deux autres membres qui sont dans les historiques de cette formation qui a compté une bonne quarantaine de musiciens, on peut dire. Peut-être peut-être moins, peut-être 30, mais oui, enfin 30-35, oui, on a eu des passages plus ou moins longs dans le groupe. Jim B à la guitare, qui est un des fondateurs avec toi, qui est toujours au sein des Timides, entre autres. Patrice Babin aussi, donc, qui vous a rejoint fin d'année 84, oui. Ouais. Et donc pour cette soirée donc du 8 novembre au Jardin Moderne, il y aura aussi une troisième formation qu'on vous présentera tout à l'heure. Jeune formation qui répond au nom de Locusta Migratoria. Voilà, on va donc écouter pas mal de choses de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux et aussi du Déficit des années antérieures. Locusta Migratoria avec toi tout au long de cette émission. Mais je voulais démarrer par un peu comme de juste des choses qui ont pu peut-être vous influencer au début, notamment donc Lindsay Cooper, qui est une activiste des scènes musicales parallèles depuis les années 70 en Angleterre, qui est disparue donc en septembre 2013, qui a joué notamment au sein de Comus, La Papille, Enrico, Art Bears, et aussi avec David Thomas, effectivement, dans les Pedestrians et différentes incarnations de ces groupes. Puis elle a formé aussi News From Babel, donc des formations qui ont dû vous influencer aussi pas mal dans le son. Vous écoutiez ce genre de musique? Tout ce qui était rock in opposition, c'était vraiment une musique au début des années 80 qui nous a vraiment apporté beaucoup. D'accord. On va démarrer donc par Lindsay Cooper avec un disque que tu nous disais que tu as sur la version d'origine en vinyle de 1986, qui a été aussi réédité en CD par le même label qu'il avait produit à l'époque, No Man's Land. Tout un personnel de la scène Rock in Opposition, différents chanteurs. Et on retrouve surtout l'esprit musical qui portait Lindsay Cooper, à qui plusieurs soirées vont rendre hommage en Angleterre et aussi en Italie au mois de novembre. Donc si vous êtes à Londres autour du 21-22 novembre, il y a une reformation pour l'occasion d'Enrico et de différents projets assez proches de Lindsay Cooper ou de gens qui ont joué à ses côtés, notamment donc des reformations de ses musiques de films, de ses projets au Moscou, également News From Babel. Donc tout ça vers le 21-22 novembre à Londres, et ça joue aussi à Forlì en Italie, à l'Area Sismica. On écoute Lindsay Cooper pour démarrer l'asile avec Music For Other Occasion. We'll be right back. where the dead people go. All my friends, everyone I know, doom feast, doom struck. Time is a river. Oui, à l'instant dans l'asile le plus sûr, donc Monsieur Crocus Behemoth dans ses œuvres, Monsieur David Thomas. Donc histoire de démarrer un peu en famille, n'est-ce pas, Pascal? Ah oui, David Thomas, là, on adore. Père Ubu, David Thomas, grande référence pour nous. C'est quelqu'un qui t'inspire depuis les débuts de la STPO, notamment pour le rock assez particulier produit par Père Ubu depuis la fin 70, et aussi peut-être dans le jeu vocal assez hyper expressif. Oui, alors je ne pourrais pas me comparer à David Thomas, ce serait très prétentieux. Mais oui, j'adore, j'ai vu pas mal de fois et... J'ai vraiment scotché, notamment la toute première phase, c'était avec Lindsay Cooper et Chris Cutler, et Jacques Monk à la basse, les Pedestrians. Et c'était vraiment extraordinaire. Je ne sais pas, ça devait être 83, 84. Ils jouaient deux soirs à l'Ubu, c'était vraiment fantastique, quoi. À l'époque où il y avait des concerts à l'Ubu, toutes les semaines quasiment, assez... C'était pas la même configuration, c'était une autre salle en fait. Ouais. Et donc Père Ubu avec leur dernier disque en date, hein, Carnival of Souls, qui est sorti début septembre. On en parlait hors antenne, donc un disque vraiment... Un excellent album. Magnifique. Donc avec cette nouvelle incarnation du Père Ubu, le Père Ubu Film Band, line-up, donc cette fois-ci monté pour illustrer les films de série B qui ont inspiré David Thomas dans son enfance. Alors on trouve toujours les habituels de Père Ubu depuis quelques années, notamment le guitariste Keith Molinay, Robert Wheeler par exemple aussi à l'électronique, et ce qu'on disait aussi, le petit nouveau, la clarinette, là, monsieur Darry Boone, qui est assez... qui est vraiment très intéressant, les mélodies qu'il ramène sont franchement à écouter. Oui, on s'en était rendu compte déjà sur le Lady from Shanghai qui était sorti l'an dernier. Et apparemment, donc, il l'a débauché dans un pub. Voilà, ce que raconte David Thomas. Et donc, pour un pub pour David Thomas, m'étonne pas trop. Tu veux dire qu'il se déplace toujours avec sa barrique, voilà. Sur scène, en tout cas, oui. Oui. Et donc apparemment il s'est aussi, en fait, pour ce disque, pendant une quinzaine de jours, il a écouté en boucle Van der Graaf Generator. Van Art. Oui, voilà, c'est ce qu'il raconte. Ça. Donc voilà donc pour Père Ubu, mais on va pas passer non plus la soirée sur David Thomas, même s'il y a vraiment lieu de faire plusieurs émissions. On avait déjà fait une spéciale d'ailleurs dans l'Asile le plus sûr. Mais donc pour parler de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux, qui fête ses 30 ans en cette année 2014. Donc des influences, comme tu disais, soit du côté du Rock in Opposition ou d'un certain post-punk. Il y a pas mal de groupes post-punk aussi qui t'ont un... Oui, de pop group par exemple. Groupe de Mark Stewart, et notamment aussi beaucoup pour l'engagement politique de cette formation. On a souvent parlé aussi ensemble de King Crimson. Hein, qui est... Ah, bien sûr, là. Bon. Il y a une partie de notre maison qui est la musique progressive aussi. King Crimson pour moi, ça peut être Genesis ou Yes de la grande époque pour d'autres. Puis évidemment, donc les Residents, par exemple, oui. Hein, pour. Voilà. Enfin, donc tout un voilà une famille musicale qui a influencé la STPO dès les débuts. On va parler d'ailleurs de ces débuts. À l'époque, vous faisiez une sorte de rock assez nerveux, enfin une musique un peu dans l'urgence. Hein, il y a un côté. Oui, des morceaux très courts. On avait du mal à atteindre la minute. Ouais. Vous avez commencé à vous produire en concert dès 85. La fac C'est ça, c'était dans l'amphi de. Dans le hall de l'amphi Chateaubriand. Ok. En première partie de Splash. D'accord. On avait fait une petite surprise au public parce qu'on était en deux groupes. Donc le public était assis au milieu et se tenait, regardait vers l'endroit où il y avait le plus de pieds de micro avant qu'on arrive. Et là, il y avait batterie et deux guitares, mais en fait de l'autre côté, il y avait aussi basse, trompette et voix. Et au bout de. Un quart d'heure, 20 minutes, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait deux. La formation était en deux morceaux, donc ils ne savaient plus où y regarder. Il faut dire aussi que ce premier concert, nous, on pensait qu'on se ferait virer au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, donc on a été assez étonnés de pouvoir jouer notre set au complet, quoi. Ok. Donc à l'époque, deux guitares, il y avait G aussi à la guitare, et trompette, donc, comme tu disais. Donc, formation qui s'est assez vite étoffée. Oui, il y a eu violoncelle qui s'est rajouté, on a synthé, on est monté jusqu'à 7, au bois aussi, puis bon, on s'est stabilisé autour de 5-6 après quoi. Et à l'époque donc du premier 45 tours, là c'était la formation en quintette, oui. Ouais, c'est ça, avec synthé, trompette et deux guitares, batterie. Oui, mais ça fait 6, oui, on était 6, oui. On va passer un extrait donc de ce premier 45 tours avec comme de juste le morceau, le premier cri des timides donné vers l'extérieur, donc le morceau Underground Woman, 45 tours enregistré donc pour Illusion Production, donc comme tu disais en démarrage d'émission pour vos camarades de Déficit des années antérieures. Bon, on va pas reparler de la pochette, mais bon, on va quand même en reparler un tout petit peu. Donc il se dépliait avec des oiseaux dedans qui sortaient, je sais pas quel est le terme français, en anglais c'est pop-up, Et donc ces oiseaux nous arrivaient sur des planches, ces déficits qui s'occupaient de l'impression en sérigraphie. On les découpait et on les montait à l'intérieur de la pochette. Donc on se passait des soirées entières à monter nos oiseaux dans nos pochettes. Et chaque pochette est unique. Et il vous reste toujours des planches, donc vous pouvez toujours en ressortir. On pourrait en refaire. À la demande. J'espère qu'il n'y aura pas de demande. Donc on va démarrer avec ce Illusion Woman. Underground Woman. Underground Woman. Alors il y a pas mal de titres avec Women dans les débuts. C'était le femme, oui. Tu avais une anecdote ? Oui, juste sur l'enregistrement des morceaux qui sont sur ce 45 tours. On avait fait ça à l'INSA, dans ce qui s'appelle le foyer à l'INSA. Ouais. Et c'était au moment où les jeunes INSALiens s'entraînaient pour leur course de Solex. Donc quand on faisait les prises, il fallait attendre que celui qui comptait passer par là ait fini de passer pour qu'il n'y ait plus le bruit du moteur et hop, on lançait la prise. Donc ça a duré un certain temps parce qu'on était obligé d'arrêter quelquefois en pleine prise à cause du bruit des moteurs. D'accord, donc le sentiment un peu d'urgence de ce morceau et des premiers titres, on écoute ça tout de suite, Underground Woman. My mama told me that today my dreams will soon be over as the storms go by. So let us hear my tears. We'll be right back. Alors ça, c'était les timides avant, donc quand ils étaient encore timides, enfin... Oui, on l'est encore un peu, un petit peu. Avec donc une séquence de quatre titres enchaînés. On a écouté donc le premier titre du premier 45 tours de 1986, enchaîné avec deux extraits de votre premier disque long, qui était sorti fin 90. Ouais. Sur un label étranger. Belge, c'est bien ça. Caca Records. Et là, c'était un titre du début des années 90 qui s'est retrouvé sur une compilation sous le titre Le Combat Occulté, des morceaux de 92-93. Voilà, un album qui n'était pas sorti à l'époque. On avait enregistré pas mal de titres et lorsqu'on a été les présenter à Prikosnoveni, Le boss de Prikosnoveni a décidé de réenregistrer ce qui lui plaisait et les anciens, il les a écartés. Du coup, nous, on est restés frustrés de ces albums, de ce combat qui était occulté. Et lorsqu'on a pu les sortir, voilà, on les a mixés et ils sont enfin sortis, ils ont enfin vu le jour. Et ils ont un sacré son. C'était vraiment une très très bonne idée en fait de Chris Macbeth de Betalactam Ring de vous proposer de rééditer les titres des débuts de la STPO. Donc il y a eu la réédition aussi du premier LP accompagné du premier EP, ce combat occulté, et s'en est suivi aussi des nouveaux disques, mais un état d'esprit plutôt dans une continuité. Oui, c'est juste que les morceaux sont un peu plus longs. On est passé de 50 secondes à 27 minutes. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est le format que vous adoptez aujourd'hui en concert, hein, puisque vous allez jouer très prochainement donc, au Jardin Moderne le 8 décembre. Donc, 8 novembre. Novembre, pardon. Samedi, donc en 8, très exactement, pour la soirée anniversaire des 30 ans avec le déficit des années antérieures et Locusta Migratoria. Et puis pas mal de surprises aussi. Depuis Tranche de temps jeté à peu près, hein, donc c'est des pièces qui font au minimum 9 minutes. Alors on a réussi à faire un morceau de 5 minutes récemment. Ouais. C'était vraiment un hasard. Et donc on est plutôt sur des bons quarts d'heure, 20 minutes. Donc voilà, histoire de s'ennuyer un peu. Quoi. Donc un concert, c'est plutôt 5 pièces quoi. Oui, on a prévu d'en jouer exactement 4. Je recompte, oui, 4. Alors que quand 91, quand on a, ou non, 93, quand on avait joué au Vieux Saint-Étienne avec déficit d'intérieur, on avait dû jouer 23 morceaux en une heure. D'accord, donc ça change. Okay. Oui, c'est vrai qu'il y avait des... C'était plutôt les miniatures, 50 oui. secondes, etc. Quoi. Et donc, on va pouvoir s'en rendre compte avec une séquence autour de titres en concert qui figurent sur une production vinylique de notre ami Clément et son label KDB Records, qui est producteur d'ailleurs de la soirée du concert du 8 novembre. Donc la STPO In Concert, une guette qui est sortie il y a de ça un an à peu près. Hein, donc, oui, fin 2013. Oui. Et qui regroupe donc différents concerts des années... 2006-2007, à Rennes et à Darmstadt. Et là, on va écouter donc une version d'un titre qui figurait sur une compilation du label Rennais 1 Polisson de monsieur Denis Tagu, qu'on salue au passage. Le Minisme, qui est une version enregistrée, là, je crois que c'est à Rennes. C'est à Rennes, à l'Antipode, okay. 2007. Peut-être que tu veux parler du morceau de... C'est un morceau qui se moque pas mal de tous les de la période Sarkozy, créé pendant la période Sarkozy, et ça commence par leur enterrement. Bon, on va pouvoir s'en rendre compte. Les femmes ont de gros magrets derrière la tempe en forme d'hippocampe. Thank you. de mamelle, articule dans tes dents. C'est le massage de mamelle, articule dans tes dents. C'est le massage de mamelle, articule dans tes dents. C'est le massage de mamelle, articule dans tes dents. C'est le massage de mamelle. Je suis un ministre. Je suis un ministre. Lipica la croche soufflée, il plaide en piston fissier, ratage de vos alétages, on y cloue la sève de pintade. De vos alétages, il plaignage en pistofficier. Flacalin, aïe de chemise, chemise sans peine. Flacalin, aïe de chemise, chemise sans peine. Flacalin, aïe de chemise, chemise sans peine. Flacalin, aïe de chemise. Balance de pompage, aïe municipal. Ma choix, une histoire. Yes, son esprit. Ma lance de pompage, ma je suis ici. Les mâchoires ont une histoire. Les enfants exigent l'église, Vlad. Lance de pompage, arius municipal, les mâchoires ont une histoire. Votre idée m'a octroyé un décès. Sont attaqués du côté pétale de poisson chaud. 3, 4. Yeah. Quand tu te tiens, la messe. Et voilà donc les timides en concert avec tout d'abord le minisme sur la galette produite par KDB Records, la Estepo in concert que vous pouvez vous procurer auprès du label kdb.free.fr ou à Rennes par exemple aussi à la boutique Blind Spot rue Poulain du Parc, qui était enchaîné avec un vieux titre des timides, c'est bien ça Pascal? Oui, oui, le fin beau travail qui était sur le premier album, mais là c'était live en 2007 à Darmstadt. Également enregistré par notre camarade Clément K. C'est un morceau qui aurait pu figurer donc sur ses concerts. Hein. C'était un... Il devait y être, mais comme on ne peut mettre que 18 minutes par face, il a été chanté. Évincé. Et donc il se retrouve sur un split 45 tours qui vient tout juste de sortir. Split Lace Cut. Voilà, ou je ne sais pas comment ça se prononce, ou Lace Cut. Enfin, ouais. L-A-T-H-E, Lace Cut. Un 7 pouces, donc sur le label PsychKG, PsychKG, un label allemand, et on partage le split avec un groupe français qui s'appelle Tole H. Et c'est donc un tiré à 33 exemplaires. Un objet assez particulier, là tu l'as dans les mains. Oui, il fait à peu près 2 tonnes, il est tout dur, on l'entend même à l'antenne, donc du métal, il y a 45 tours à l'intérieur. Et du cuir dessus. Oui. Chaque exemplaire est différent. Et donc, bah, il y en a très très peu de copies, donc si ça vous intéresse, il faut vraiment se ruer. Voilà, alors le site du label, je crois que c'est PsychKG, PsychKG.de, comme Deutschland. Je crois qu'il lui en reste encore 3 ou 4 exemplaires. Donc, label spécialisé, tu me disais, hors antenne, plutôt sur les musiques un peu dada hybride, un peu comme vous autres, avec notamment du Commissaire Youlard, Mama Bar et des choses comme ça, et qui devrait sortir aussi peut-être potentiellement d'autres choses. Alors, on a un projet avec toujours ce label-là, d'un split vinyle avec Commissaire Youlard. Imam Haber. Nous, dans notre face, on va mettre du live, d'autres lives de notre tournée des 30 ans en mars. Peut-être un extrait du concert que vous allez donner ce jeudi à La Haye. Qui sait ? Donc, vous jouez donc. On joue vendredi soir à. C'est vendredi. Voilà, on part jeudi, mais on joue vendredi soir à La Haye. Toujours dans le cadre de nos 30 ans. Voilà, et donc il y a eu plusieurs concerts aussi au printemps, c'était ça ou... Voilà, on est parti en mars. Ouais. Une petite tournée de 6 concerts, 4 en Allemagne, un à Bruxelles et un à Caen. Et en général, vous enregistrez donc. Puisque vous avez l'ingé son qu'il vous faut et qui enregistre ça très bien, en la personne de notre camarade de Clément. Je voulais qu'on fasse un petit aparté aussi sur les musiciens plutôt actuels, puisqu'on a passé des choses donc, avec des musiciens de ces dernières incarnations des Timides, juste pour parler aussi du soufflant qui lui est là depuis très très longtemps, Christophe Gotter. Oui, il a dû arriver 2 ou 3 ans après la formation du groupe. Ah oui, donc vraiment... ça fait quand même 27-28 ans qu'il oui, est là. Ok, ouais. Je pensais que c'était plutôt début 90, mais... Non, je pensais que c'était 87, 88 ou 86. Pas mal de jeunes musiciens ces dernières années. Donc on a entendu Benoît Delaune à la basse, là, sur le titre qu'on venait d'entendre. Il y avait aussi du trombone. Guillaume Dubreux. Voilà, et puis il y a eu aussi un trompettiste. Et actuellement, donc, il y a un bassiste violoniste. Sébastien Desloges. Voilà, qu'on salue également, qui apporte une couleur... Ah oui, une superbe recrue pour le groupe. Le violon, on n'en avait jamais eu, c'est vraiment un plus, un vrai plus pour nous. Ça rajoute aussi au côté musique peut-être à programme et à tiroir et de plus en plus progressive. De plus en plus de tiroirs, oui. Donc, oui, ils sont de plus en plus profonds. Rhizomatiques. Ok, on va continuer avec les déficits des années antérieures, dont on a parlé un tout petit peu en tout début d'émission, et donc qui seront aussi pour cette soirée-concert du 8 novembre au Jardin Moderne, formation du Calvados. De Caen. Oui. De Caen, très exactement. Trio. Oui, toujours les mêmes, depuis 35 ans. Voilà, donc Jean-Philippe Fay. Voilà, JPF alias Jean-Philippe Fay, SM ou SF, ça dépend, c'est Sylvie Fay ou Sylvie Martineau, et JLA, Jean-Luc André. D'accord, donc formation, comme tu disais, qui a joué pas mal aussi dans les débuts des années 80 à Rennes, et puis à intervalles assez réguliers. Ils ont partagé la scène à plusieurs reprises avec vous, déjà au Jardin Moderne, c'était en 2003. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi vous n'avez jamais fait de split ou de super groupe, en fait. Jouer directement avec eux, tu veux dire? Oui. Ah oui, ça aurait pu être intéressant, Palo Alto l'a fait. Oui. Mais non, on n'a jamais fait ça, mais oui, ça pourrait être vraiment un beau programme. Ouais. Peut-être un jour, peut-être pour les 40 ans de, voilà, des Timides et Déficit enfin réunis sur un seul et même, sur un même projet. On va écouter donc un titre de Déficit des années antérieures qui consiste plutôt en répé studio d'impro, ce qu'ils savent très très bien faire, hein. Plutôt déglingué, donc mélange post-industriel, Krautrock, etc. quoi. Extrait d'un maxi ou mini CDR sorti en 2007, donc toujours sur leur propre marque de disque Illusion Production, dans la nuit du souterrain scientifique, qui consiste en des enregistrements donc qui avaient servi notamment à l'album Les Nouveaux Bouinages Sonores, voilà un titre que j'aime beaucoup. Et on va écouter donc ce titre qui fait une 20aine de minutes, qu'on va évidemment passer en partie uniquement. On écoute le Déficit des années antérieures dans l'asile de Pussure. Cette dame qui est venue dans ma chambre d'hôtel avant que j'avais mon premier studio à Montparnasse. J'entends un bruit. été une création qui soit la seule à s'opposer à la création. Autrement dit, est-ce que l'artiste est quelqu'un qui a participé à la création artistique contre la création de Dieu? Il n'y a aucun doute. Et voilà, donc les musiques plasmatiques proposées par Déficit des années antérieures, puisque c'est le nouveau nom de leur genre musical, musique plasmatique. Je ne sais pas si c'est ce genre de musique assez trash qu'ils vont proposer pour la soirée du 8 novembre. On ne sait pas, chaque concert de Déficit est une aventure. Et oui. Sans cesse renouvelé. Et ça, depuis la fin 70. Ils viennent de faire paraître un nouvel album, enfin plusieurs nouvelles choses, mais un disque qui s'appelle Électrification. C'est ça, c'est un 10 pouces. D'accord. Je pense qu'ils l'amèneront le 8 novembre. Ils ont un nouveau CD sur un label polonais. C'est, ça s'appelle Hazy World, quelque chose comme ça. Il y a Hazy dans le titre. Et donc, c'est une création entièrement électrique qui proposeront cette soirée-là. Avec peut-être donc des surprises et des invités, qui sait. Le trio historique Déficit des années antérieures, extrait de ce maxi mini CDR dans la nuit du souterrain scientifique, et toujours distribué d'ailleurs par Metamkin. Voilà, donc il a toujours en stock, c'est sorti fin des années 2000, des vieilles répées de début des années 90. Et on va enchaîner avec un autre extrait de Déficit des années antérieures. On en parlait tout à l'heure, la rencontre en compagnie de Palo Alto. Extrait d'un disque sorti par le Cluricone, excellent label de monsieur Eric Roger, le disque Symphonie Siphonée, en six mots. Voilà donc. Beau titre. Très très très très beau titre, bien évidemment. Palo Alto, qui a aussi une formation des musiques parallèles françaises, avec une proximité aussi avec la musique de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux. Et là, je me fais plaisir avec ce titre qui s'intitule Fibre synthétique. On écoute ce Symphonie Siphonée. Nous sommes réunis autour de cette table pour parler des problèmes de blanchiment. Nous, c'est-à-dire un spécialiste du lin, des spécialistes du coton, un spécialiste des fibres synthétiques, deux représentants de Ginkelmann et moi-même pour mener le débat. Alors, première question, si vous le voulez bien. Le blanc, c'est finalement un problème vieux comme le monde. Qu'y a-t-il donc de changé par rapport à ce qui se faisait avant ? Pour faire le tissu avec le lin et le polyester, nous faisons en Italie une crémage uniforme, égale. Alors, si vous avez un lin bien crémé en mèche, le problème de blanchiment du tissu est plus simple. Oui, d'accord. La fibre est bien. Il y a par exemple le traitement chimique oxygéné chlorique sur mèche qui vous donne pour des crans blancs des dépôts de 2002-2004. D'autre côté, pour le lin et la fibre polyester, par exemple, la fibre synthétique en général, nous avons la possibilité de blanchir sans déboîchage avec un blanchiment à chaud de chlorure de soude facilité par le géographe. Cette attireur permet pour moi d'avoir un degré de polymérisation plus haut qu'avec des chanteurs. Par contre, dans le mélange lin-coton, aujourd'hui, nous avons la possibilité de blanchir avec deux blanchiments, le lin cru et le coton. Je suis formé avec le lin et le coton. Parce que nous avons avec le blanchiment côté, pour le linge et la fibre de polyester, par exemple, pour cette étape. En général, nous avons la possibilité de blanchir sans compressions avec un blanchiment à chaud de chlorantisme facilité par les éclaircissants. Cette couleur permet vraiment d'avoir un degré de polarisation plus haut qu'avec des autres procédés. Par contre, dans la mélange lin-coton, aujourd'hui, nous avons la possibilité de blanchir avec deux blanchiments, le lin cru et le coton cru. Le tissu formé avec le lin et le mélange. Et c'est un avantage que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons avec deux blanchiments un tissu avec une touche meilleure. Et surtout, nous avons des prix de revient plus bas qu'avant-hier. Alors, pour conclure, sur le lin, je peux dire que le Gigulman a résolu mes problèmes de blanchiment sur le lin avec les activeurs qui a étudié et qui va très bien. Fabricadora de embeleco, loca, imaginativa, quimerista, que muestras a quien tu bien conquista los montesianos y los mares secos. Habitadora de célebres huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos, la sombra, el miedo, el mal se te atribuye, solícita, poeta, enferma, fría. Manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya. Si velo te lo pago con el día, y si duermo, no siento lo que vivo. bon aperçu des groupes que vous pourrez entendre au Jardin Moderne pour la soirée du samedi 8 novembre pour les 30 ans de la Société des Timides à la parade des oiseaux avec Déficit des années antérieures qui était enchaîné avec Locusta Migratoria côté espagnol de ce groupe formé par La Patte Noire et Zapascal, donc qui seront aussi en concert pour cette soirée du Jardin avec invité d'ailleurs. Extrait d'une galette vinyle sortie également par KDB Records à peu près au même moment que votre galette en concert. KDB qui a une production assez phénoménale puisqu'il y a pas mal de sorties de disques cet automne, donc je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site kdb.free.fr. La STPO toujours en marche avec un disque qui n'est pas encore sorti. Il est en train de sortir. Oui. Il est tout chaud, il sort de la presse. Il ne saurait tarder. Donc c'est un vinyle qui sera présent le 8 novembre. On l'aura avec nous. Ça s'appelle Les Liquidateurs et ça sort sur un polisson. Donc c'est une de vos très longues pièces. Ça fait combien? 25 29 celle-là. 29. Hein. C'est le record. Donc un morceau que, qui a été créé il y a 2-3 ans. Hein, ça... On l'a joué une première fois en 2012 à la Bascule. Oui. Depuis, c'est le morceau qu'on a tourné en mars. Et là, on est très content de le rejouer à Rennes le 8 novembre parce que c'est un morceau très important pour nous. Donc un morceau, on peut rappeler un peu l'argument, donc sur les liquidateurs... De Tchernobyl. Ouais. C'est une composition qui est basée sur un film, un documentaire qui s'appelle La bataille de Tchernobyl, qui raconte la journée d'un liquidateur le 26 avril. Donc les liquidateurs, ce sont ceux qui ont enlevé les bâtons de graphite irradiés du toit du réacteur. Ouais. Et qui sont morts par centaines de milliers. Donc c'est une composition qui est dédiée à tous ces liquidateurs. Et ceux de Fukushima d'ailleurs. Donc, composition en plusieurs tableaux est assez incroyable au niveau des mélanges inter-instruments et entre les séquences c'est d'improvisation plutôt à l'intérieur ou des jeux. C'est pas vraiment d'improvisation parce que c'est un découpage comme un documentaire qui avance. Comme un découpage cinématographique et chaque séquence correspond à quelque chose, à un élément de la journée du liquidateur. Donc c'est pas vraiment improvisation, même s'il y a des passages où c'est assez libre, mais il y en a d'autres qui ne sont absolument pas libres d'ailleurs. Et donc ça va sortir sur un vinyle double face, donc avec une césure au milieu de ces 29 minutes pour ce titre Les Liquidateurs. Et donc, tu nous as amené une version du master numérique. On va écouter 2-3 extraits en fait, hein, de cette pièce. Là, ça démarre à la 5e minute. Alors, le premier extrait, là, c'est ce qu'on appelle, nous, le thème. De la composition, c'est le moment où on sort plutôt de l'évocation de la journée du liquidateur, où nous on rend hommage à ces liquidateurs. Voilà, et après on écoutera un petit extrait qui traite de Gorbatchev et de son hésitation ce jour du 26 avril. Voilà, et puis peut-être un autre extrait, mais ce sont des petits bouts de 29 minutes. C'est parti. Liquidators, heroes of the soul. What will I choose? What will I say? Gorbachev, Mikhail. Gorbachev, Mikhail. What will I choose? What will I say? Gorbachev, Mikhail. Gorbachev, Mikhail. What will I choose? What will I say? Extraits des liquidateurs enchaînés, on pourrait dire ça comme ça, donc de la Société des Timides de la Parade des Oiseaux, donc le prochaine parution en fait. Oui, on les aura le 8. Donc ils devraient sortir donc en novembre ou pour les fêtes de fin d'année, grâce au label Impolisson. Impolisson.free.fr et vous jouerez donc aussi cette... Oui. En intégrale, sans la trompette d'Éric Roger, hein, comme on disait hors antenne. Mais pour vous avoir entendu à la bascule, il y a de ça 2 ans et demi, lors de la création sur scène de ce titre de 29 minutes, c'est vraiment quelque chose, un moment assez incroyable. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller à cette soirée du samedi 8 novembre pour les 30 ans de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux, où vous aurez donc aussi l'occasion d'entendre Locusta Migratoria et le déficit des années antérieures. Pareil, même qu'il y aurait peut-être quelques disjockeys qui passeraient des disques à cette soirée. Voilà. Et on n'en sait rien, ça. Voilà, donc je te remercie beaucoup, Pascal. Donc, merci pour cette émission assez décousue. On avait déjà fait une émission ensemble en 2006, qui était plutôt un panorama assez exhaustif de la musique des Timides. D'ailleurs, on pourra réécouter en fait cette bande sur le blog de l'Asile, asile35.blogspot.fr. On va remettre cette vieille émission en ligne et on écoute un dernier titre avant de se quitter, extrait d'un grand classique, hein, d'un disque de la période classique, on va dire ça comme ça. Dans une période classique. Oui. au XXe siècle. Voilà. Les expositionnistes, hein, qui étaient sortis sur Prikosnoveni au milieu des années 90. Hein, 95, oui, exactement. Oui. C'est votre deuxième album long. Et on va écouter le titre qui conclut cet excellent disque. Je vais te laisser prononcer ce titre que j'arriverai jamais à lire. Alors c'est Barfüßer Kirche in Erfurt, c'est un tableau de Lionel Feininger. D'accord. Et je vous souhaite un excellent concert aussi à La Haye ce vendredi. Merci beaucoup, peut-être Philippe. Que des auditeurs de l'asile pourront se rendre aussi à cette soirée concert. On n'a plus de place dans la voiture. Mais il y a toujours le stop, hein, voilà, le pouce. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci. Une bonne semaine et à bientôt. Lionel Feininger peint son tableau. Il va bientôt apparaître. Thank you.